nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious. À l'instant, c'était donc Landin Svabs qui nous interprétait je mélange de nouveau dans les fenêtres. Mückenfeld numéro 1. Donc ça nous vient du net label Chemical Archives. Et je vous laisse en compagnie tout de suite du générique, puisqu'on est en train de faire la transition vers la deuxième partie de l'émission, celle du milieu. Et il s'agit de Acid New Year. Par Dodécaèdre, hein, qui nous a fait donc ce petit remix pour le direct live from the Hellsass. It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious. Instant Acid New Year's de Dodécaèdre pour donc la rubrique triturer, mélanger, servir, dont je rappelle le principe. Vous cherchez sur Dogmazic le net label mélanger, triturer, servir, où là vous avez tout un tas de matériel sous licence art libre pour la plupart, ou alors éventuellement carrément sous licence Creative Commons by. Je me doute que ça n'intéressera ni Virgin, ni Universal, ni d'ailleurs personne, même pas une toute petite boîte commercialement parlant. Donc là, j'ai été un petit peu plus large. Alors, vous vous servez, vous samplez, vous modifiez, vous remixez, vous triturez tout ça, vous rajoutez vos propres ingrédients pour me refaire un remix de 2 minutes qui servira donc de générique à l'émission. Donc évidemment, sous licence art libre, la licence art libre étant très pratique pour ce type de partage, pour ce type de travail collaboratif. Alors, toujours personne sur le chat, mais n'hésitez pas à venir faire un tour. Hein. Y a Anti-Blues, y a Julquien, mais qui ne répondent pas. On va voir d'ici quelques instants, on va retourner au jazz, mais un petit tour du côté du Dogmazine, qui nous parle d'un article de Fred qui a été publié le 17 février, il y a 5 jours, de Pirate Bay accoste enfin au tribunal. Ça, c'est le titre de l'article. Donc, je vais essayer de vous lire ça. C'est un titre provoque pour évoquer le procès du site de partage BitTorrent le plus populaire du moment. La provoque, c'est l'arme de distraction massive des petits gars suédois de Pirate Bay et Pirate Buron. Du côté des plaignants, on ne trouve que des petites boîtes de prod indépendantes. Warner Bros, MGM, EMI, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Sony BMG et Universal. Sur le banc des accusés, deux opérateurs du site de Pirate Bay, Gottfried Svartholm Varg, qui est connu sous le nom de Anna Kata aussi, ou un surnom plutôt, Peter Sundekolm et Soppi, connu sous le surnom de Brokep, et relativement connu dans le milieu du téléchargement BitTorrent avec un membre du bureau pirate, à ne pas confondre avec le parti pirate suédois dont The Pirate Bay et Bureau Pirate ne partagent pas les opinions, même si le parti pirate supporte l'action de Pirate Bay. Frédéric Ney, Tiamo, dont les serveurs avaient été saisis en même temps, et un homme d'affaires politiques pas trop recommandable, l'extrême droite Karl Lundström, qui semble avoir financé indirectement Pirate Bay il y a un moment, ce dernier constitue à lui seul le joker des plaignants d'un procès retentissant avant même d'avoir lieu, pour que le procès s'attaque plutôt aux personnes qu'au site ou qu'à l'esprit de la technologie, pour reprendre les mots d'un des accusés. Récapituler rapidement comment ils en sont arrivés à un procès pour facilitation de copies illégales portant sur une vingtaine de chansons, moins d'une dizaine de films et quelques logiciels n'est pas chose aisée. En 2006, soit 2 ans après la création du site, la police fait une descente dans le data center qui héberge les quelques serveurs de The Pirate Bay. Ils en embarquent 180, dont la plupart n'ont rien à voir avec The Pirate Bay. Il apparaîtra plus tard que cette descente était une entrave à la séparation des pouvoirs en Suède, un lobbyiste américain ayant réussi à convaincre le ministre de la Justice suédois de faire en sorte que Pirate Bay soit stoppé. Or, le ministre de la Justice ne peut pas en Suède donner d'ordre strict à la police. La suite de l'article tout à l'heure, mais on revient tout de suite à de la musique avec du Stéphane Roger, toujours dans la série des chansons jazz. Stéphane Roger, avec 4 morceaux d'affilée, rien que ça. Alors là, attendez, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug là, que ça ne se fait pas comme je l'attendais. Sur le forum, que je vais avoir un petit peu à éditer le truc, ben oui, évidemment. On va corriger ça tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais continuer à bafouiller dans mon micro. Ragtime de Lyon, A Smooth avec toi, respectivement de novembre et octobre 2006, sous licence art libre, et une partie de plaisir, respectivement le 2 mai 2007 et le 23 novembre 2006, une partie de plaisir et le printemps à deux, sous licence Creative Commons by ND 2.0, Ragtime de Lyon, partie de plaisir, ça c'est du piano à l'état pur, du piano solo. Les deux autres, je ne me rappelle plus, il me semble que les deux autres soient des instrumentaux, que ce soit polyinstrumentisé, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Stéphane Roger, donc avec 4 morceaux de musique à la file. Thank you. l'instant, c'était Stéphane Roger, donc avec quatre morceaux à la suite, le Ragtime de Lyon, Smooth avec toi, une partie de plaisir et le printemps à deux. On va continuer dans le jazz tout à l'heure évidemment, mais je reviens au Dogmazine et je salue d'ailleurs avant au passage Groin qui s'est connecté pendant que je lisais et qui s'est déconnecté entre temps. Donc la suite de ces de Pirate Bay, donc pour résumer, donc Pirate Bay, la police avait saisi en 2006 les serveurs de Pirate Bay avec déjà pas mal de quelques vices de procédure dans le tas. Et donc, évidemment, les opérateurs du Pirate Bay avaient fait des backups une fois prévenus par téléphone que la descente allait avoir lieu, avant même de rencontrer la police. Et la police les a interrogés en posant plus de questions sur leur idéologie ou leurs idées politiques que d'avoir pris le temps d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un BitTorrent et comment que ça fonctionne. Il se trouve que ça fonctionne d'une manière telle que de Pirate Bay n'a jamais enfreint la loi suédoise. Alors évidemment, ça tremble dans le gouvernement, le ministre de la Justice finit par être blanchi, mais ça fait du bruit, un bruit que savent très bien exploiter les trois opérateurs du site qui font un buzz de tous les diables quand la justice demande du temps pour enquêter. Il aura fallu 2 ans et demi, donc pour 4 logiciels, 9 films et 22 fichiers musicaux, The Pirate Bay avait remis en ligne 50% des backups 48 heures après le raid, 4 ou 5 jours après, le service était assuré de nouveau. Puis pendant les 2 ans et demi qui ont suivi, The Pirate Bay est devenu le plus grand tracker BitTorrent du monde, célébrant régulièrement des records de partageurs, ajoutant des serveurs à leur réseau, optimisant le code, créant de nouvelles perspectives pour le protocole BitTorrent dont ils modifient le code. En ce moment, si on regarde sur leur homepage, ils sont régulièrement plus de 20 millions de partageurs à se partager plein de choses. Il ne faut pas se voiler la face, la plupart du temps, des trucs merdiques sont tous présents sur le... Et ne pas se voiler la face non plus, beaucoup de culture de qualité. Les grands releasers, donc les grands, publieurs, les pirates originels si vous voulez, sont tous présents sur le tracker et certains se spécialisent, ce qui fait que les classiques du cinéma sont là, la musique un peu rare aussi, les logiciels abandonnés aussi. Ce n'est peut-être pas LA culture, mais un grand pan est disponible grâce aux partageurs. Grâce aux partageurs qui utilisent The Pirate Bay, sans parler du téléchargement de ce qui n'est pas pirate, comme les distributions GNU Linux, la musique libre, les logiciels libres, marginaux sur Pirate Bay, certes, mais présents. Tout cela agace terriblement les lobbies américains et internationaux, qui attendent eux aussi de pouvoir se mettre sous la dent un exemple, comme ils tentèrent de le faire maladroitement avec des individus aux États-Unis. On se rappellera de l'histoire de Jamie Thomas. S'ils arrivent à faire tomber l'emblématique Pirate Bay, le reste suivra, c'est l'idée. Malheureusement pour eux, The Pirate Bay se porte très bien et respecte la loi. Leur relation aux médias est totalement transparente et leurs réactions, souvent puériles, sont dignes des enfants qu'il faut éduquer. Les arguments, l'intelligence et le cynisme en plus. Du coup, la sympathie qu'ils génèrent est mondiale. Les accros dans cette relation avec la presse, les médias et le public sont rares mais notables. Une affaire passionnée qui avait vu The Pirate Bay refuser de retirer un fichier hash présentant les photos d'une autopsie d'une enfant assassinée dans des circonstances sordides, ce qui provoqua une vive émotion en Suède. L'argumentation des gamins de The Pirate Bay était claire, ces images sont légalement disponibles et si quelqu'un les partage, ce n'est pas illégal. Évidemment, la passion déclenchée par l'affaire leur a fait une terrible image. Invité en duplex téléphonique par une émission télévisée, Peter Sund, porte-parole de The Pirate Bay, avait décliné à l'invitation si les parents étaient présents, arguant que la problématique de ce fichier ne pouvait décemment pas être débattue dans un climat de passion, ce qui était une décision rationnelle et qu'il serait facile d'en faire du sensationnel, ce qui ne se révélait pas la compréhension du mouvement des partageurs. La chaîne de télévision a finalement piégé Sunday en laissant les parents intervenir dans la conversation téléphonique après lui avoir garanti le contraire. The Pirate Bay décide alors de ne plus communiquer avec les médias, laissant aux médias la charge de s'informer. Reste que The Pirate Bay proclame n'avoir jamais retiré un seul fichier H du tracker, à l'exception de quelques fakes reconnus, quelques faux. Retour à la musique, retour un petit peu sur le chat. Ben, toujours personne, venez, venez, venez, n'hésitez pas. Alors évidemment, si c'est pendant que je suis en train de lire, je ne peux pas vous voir venir. Donc il faudra juste attendre que je termine de parler au micro. Et sinon, ben, venez sur. Vous cliquez sous l'espèce de truche et de radio, vous avez planning de la radio, vous cliquez là-dessus et puis vous cliquez sur le bouton accès au chat en Java. Retour à la musique, à la sélection musicale d'aujourd'hui. Après avoir évidemment corrigé aussi, vous l'avez également toute la playlist qui apparaît au fur et à mesure sur le forum, sur le sujet consacré à l'émission d'aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à accéder au chat, ben vous pouvez également communiquer avec moi via le forum. Gasnoprod, de l'album Locataire de ton pieu, Nuit de septembre, qui nous a été mis en ligne le 26 août 2007 sous licence Creative Commons by NCSA 2.0 Gasnoprod, qui a un site web http://nonover.over-blog.com et donc je vous mettrai d'ailleurs le lien aussi sur vous avez le lien si vous avez téléchargé cette émission via le peer-to-peer, en tout cas la version que moi je vous mets. Alors on y a par exemple Paloma Gonas versus Two Gasnoprod Around the Jazz avec une sous licence Creative Commons by NCSA qui se trouve sur Gasnoprod avec donc on va écouter un petit extrait là via leur player si c'est possible. Oui, donc évidemment, donc toujours du jazz, ça c'est donc pour les voilà, donc un petit extrait quoi de leur dernière publication, du dernier blog, puisqu'en fait c'est pas un site web, c'est un blog. Et évidemment, ils ont aussi une page dogmasique que je vais m'empresser de visiter pour aller y chercher. En plus, il y a une qui se trouve sur leur page Gasnoprod, qui a d'ailleurs aussi participé à l'album Réponse graduée à Dopi. Donc l'album anti, la compilation anti-Adopi, pour dire non à la loi Adopi et à ses dérivatifs européens, mais c'est avant tout une compile de musique libre à télécharger librement, avec donc la pochette d'album, l'Adopi, la gentille mascotte des majors vermoulus. Cet animal est con, il pue et il est dangereux, ne l'adoptez surtout pas. Ça c'est ce que l'on voit sur la pochette. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la nuit de septembre avec un commentaire anonyme. Alors anonyme, c'est donc quelqu'un qui est inscrit sur le site mais qui n'a pas mis son nom et qui nous a fait une critique. Tous les instruments dans une musique n'importe quoi. Alors on va l'écouter, on va se l'écouter ce n'importe quoi tout de suite avec Gasnoprod, Nuit de septembre. We'll be right back. Gasnoprod et son jazz un peu déstructuré avec quelques petites attentes faussées au niveau du rythme. Et je reviens donc au chat, ben, y a toujours pas grand monde, venez, n'hésitez pas. Et je reviens aussi donc à cet article du Dogmazic. Alors l'encre coule donc beaucoup autour de Pirate Bay et on les accuse d'être multimillionnaires grâce à la publicité sur les sites, mais ils y rigolent en disant que depuis le raid, les gens comprennent qu'ils sont des pirates et les annonceurs ne se bousculent pas. Il suffit de voir les annonceurs actuels du site pour comprendre que ce n'est pas vraiment ce qui leur rapporte de l'argent. D'ailleurs, rien n'en rapporte au vu de la maintenance des dizaines de serveurs que The Pirate Bay exploite, dont l'un est maintenu dans un coffre-fort et d'autres sont contractuellement dans des endroits inconnus des opérateurs. L'argent est le deuxième accroc de communication de Pirate Bay qui a bénéficié un temps du soutien direct d'un homme d'affaires d'extrême droite, soutien pécuniaire évidemment. C'est cet homme d'affaires prompt à créer la passion que la partie adverse a attaqué aussi pour éventuellement enfoncer un peu The Pirate Bay dans ce jugement. Les documents consultés Fred, qui a écrit l'article, Fred a consulté concernant cette affaire n'était pas très clair pour lui, étant une grosse part disponible uniquement en suédois, mais la ficelle est grosse comme selon Numérama. Ensuite, ils font carrément réagir des gouvernements. Récemment, le gouvernement italien a demandé aux fournisseurs d'accès de couper ou de filtrer l'accès au site de Pirate Bay. Entre-temps, les pirates ont réagi et ont eu gain de cause. Au Danemark, après une décision de justice à l'encontre des plus gros fournisseurs d'accès, comme un effet boule de neige, toutes les FAI danois coupent filtres de Pirate Bay. Évidemment, il n'est pas facile d'interdire l'accès à un site dans un réseau décentralisé et dès que The Pirate Bay est filtré dans un pays, il publie une page dans la bonne langue pour expliquer comment continuer à joindre le site, souvent via une manipulation très simple sous Linux ou en recommandant des services du type Dynamic DNS. Une récente étude portant sur les statistiques du tracker de Pirate Bay montre une chose tout à fait surprenante. 33% des échanges de fichiers sur le tracker proviennent d'un pays où l'accès à Pirate Bay est interdit, coupé, filtré, la Chine. Plus énorme encore pour les technophiles, The Pirate Bay représente le tracker qui à lui seul assure 50% du trafic BitTorrent sur le réseau, de sorte que cette centralisation fait peur à des chercheurs qui se disent que si The Pirate Bay tombe, ce qui ne sera pas pour demain, par effet de domino, beaucoup de serveurs très petits devront prendre le relais et tomber eux aussi pour les plus fragiles. Ce qui aurait un impact inconsidérable sur le trafic BitTorrent et au passage sur le téléchargement de DVD Linux Lego disponibles plus rapidement en BitTorrent. Leur manière d'incorruptible et le ton des emails qui renvoient aux avocats américains voulant imposer la loi américaine partout dans le monde en ont fait sans doute malgré eux, mais s'ils s'en accommodent fort bien. Les porte-paroles des internautes partageurs et le procès qui s'ouvre est historique au sens où il définira la nouvelle limite pour les autorités dans leur moult tergiversations pour sauver l'industrie inadaptée du disque ou permettre à Hollywood de continuer à littéralement se gaver. DADFSI, Adopi, riposte graduée, filtrage du net, abandon de la neutralité du net, marchandisation totale du réseau, tout ceci prendra à l'évidence une nouvelle tournure à l'issue du procès, soit pire encore, si c'est possible, soit de manière plus saine et pondérée, à l'instar de l'Espagne qui a encore récemment affirmé en justice que l'utilisation du peer-to-peer à titre personnel est légale, ou encore en écoutant un ancien haut placé de chez IMI qui estime aujourd'hui qu'il n'est plus en fonction... qui estime aujourd'hui qu'il n'est plus en fonction, que le DRM et le filtrage ne servent à rien. Voilà donc aujourd'hui que s'ouvre le procès. Après avoir demandé à ce qu'il soit retransmis sur le net en vidéo, obligation de transparence nécessaire à leurs yeux, ou que la salle d'audience ait les dimensions qui permettent à plus de monde de venir y assister, deux demandes rejetées, The Pirate Bay obtient au moins la transmission audio en temps réel du procès, laquelle est traduite immédiatement en anglais, mise en ligne, un site dédié couvre le procès, un Twitter... balance des news minute par minute, un bus converti en centre de presse stationne non loin du tribunal, des concerts et des talks sont organisés dans la rue, et le soutien est massif et l'intérêt des partageurs du monde entier est énorme au point de faire défaillir le serveur qui sert de blog. The Pirate Bay s'est organisé un spectacle, il ne cesse d'ailleurs de le répéter depuis un moment, en substance, en février, l'État finance un spectacle public, c'est le spectacle du procès de Pirate Bay, venez nombreux. Certains membres de Pirate Bay et du bureau pirate ont tenu une conférence de presse sélective ce dimanche 15. Certains médias dont ils jugent que les questions seraient une perte de temps. Vous pouvez en lire un... Vous pourrez en lire un bon résumé dans torrentfrec.com et aussi sur Numirama qui semble avoir pris la mesure de ce procès et le couvre assez bien. Pour mieux comprendre les gaillards, ce qui leur est arrivé et leur manière de réfléchir, regardez-le donc Still This Film Part 1 et la deuxième partie aussi très intéressante et moins axée sur The Pirate Bay et voguez directement sur leur site. Il semble qu'en cherchant The Pirate Bay, sur Pirate Bay, on trouve des choses intéressantes. Dès que j'ai pu lire, donc toujours l'auteur qui parle, qui écrit, de ce qu'il a pu lire de la première journée d'audience, c'est que le procès s'oriente sur les personnes et peu sur la technologie, ce qui est fort dommage, espérant que les bonnes questions sauront surgir plus tard. Et puis, également un post-scriptum, ce qui a été écrit la veille est déjà obsolète pour partie. La deuxième journée a été pleine de rebondissements et surtout une grande surprise. Le procureur se voit obligé d'abandonner la moitié des charges retenues contre Pirate Bay, tout ça pour incurie technologique. Quelques commentaires. Bravo, excellent résumé, tellement complet que résumé est réducteur. Ça doit encore durer 11 jours et ça promet. Merci pour les nombreux liens vers Numirama de Guillaume Champeau et de Fred qui répond, ben de rien, c'est les sources.fr qui l'a trouvé le plus facilement. Still This Film profite du procès pour filmer et tenter de boucler la boucle avec Still This Film Trial Edition. Et donc également KN qui remercie. Toujours personne sur le chat, mais s'il faut venir, venez, c'est fait pour ça. Avec aussi ben, vos avis sur la musique, évidemment. Ça je peux fermer. Qu'est-ce que j'ai encore comme fenêtre inutile? Non, celle-là, elle va me servir quand même. Celle-là, elle est toujours en action, ben il la faut toujours. Et d'ici là, ben, on va passer tout de suite à la musique avec en fond sonore l'aspirateur traîneau du Père Fouettard, remix donc qui fait partie de la rubrique triturer mélanger servé que vous pouvez remixer, retriturer, auquel vous apportez vos propres ingrédients pour refaire une nouvelle soupe de 2 minutes qui pourra servir de générique à l'émission. Donc l'aspirateur traîneau du Père Fouettard que je vous laisse et qui me permet donc de faire une transition avec la troisième partie de l'émission, en tout cas pour la version disponible en téléchargement.